fraise au ciel glisse dans l'ombre, chaque pas calculé. Des bases ennemies aux ruelles étroites, rien n'est laissé. Le silence pèse, la tension monte. Chaque souffle est une arme, chaque regard compte. Rost et ses bois sombres, pièges et lignes invisibles. Chaque recoin surveillé, chaque bruit est indicible. Bases ennemies épiées, portes et fenêtres scrutées. Rider ce qu'il avance, aucune erreur tolérée. La nuit couvre nos mouvements, l'ombre est alliée. Chaque pas calculé, chaque cible isolée. GTA, ruelle silencieuse, lumière tamisée. Espions et rivaux se glissent, l'air est glacé. Chaque coin, chaque toit devient terrain d'observation. Rider Skill dirige l'assaut avec précision et raison. La stratégie se tisse, la tension est palpable. Chaque instant compte, chaque détail est notable. Chaque cible est traquée. Des bases aux ruelles, des toits au passage. Chaque mouvement devient un message. Silence et stratégie, chaque pas est calculé. Nos voix se font rares, mais l'action est signée. Sea of Thieves, navire dans le brouillard. Chaque voile, chaque cri devient un étendard. Rider Skill infiltre, sabre et pistolet prêt. Chaque ennemi surpris, aucune chance donnée. L'art de la furtivité guide chaque action, chaque attaque, chaque retraite, parfaite exécution. Wild West supermarché, coin son plein efficacion. Cible isolée. Chaque assaut devient victoire. Chaque pas un choix. Ombre et assaut. La nuit est notre allié. Rider Skill guide. Chaque cible est traquée. Et des bases aux ruelles, des navires au marché. Chaque infiltration grave notre réalité. Se font rares, mais nos gestes sont marqués. Rider Skill disparaît dans la nuit. Maître furtif et précis. Les mondes respirent, les ennemis inconscients. Ombre et assaut, éternel équilibre.